Cet enregistrement vous est proposé par Trésor Sonore, votre audiothèque. Choisissez ce que vous écoutez quand vous voulez. Rendez-vous sur www.trésorsonore.com ou sur l'application téléphonique. Nous arrivons à la fin de cette session et nous faut donc ici clôturer aussi notre étude du livre de Daniel. Et je vous invite à lire ce soir la fin de ce livre, à partir dans le chapitre 12, c'est-à-dire le dernier chapitre du livre de Daniel, et nous lisons à partir du verset 6 jusqu'à la fin. Daniel chapitre 12, du verset 6 jusqu'à la fin. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand viendra la fin de ces prodiges ?» Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce serait dans un temps, des temps et la moitié des temps, et que tous ces événements s'achèveraient quand la force du peuple saint serait entièrement épuisée. J'entendis et je ne compris pas. Je dis, « Mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces événements ?» Il répondit, « Va, Daniel, car ces paroles seront secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Beaucoup seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où sera interrompu le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui arrivera, qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche jusqu'à la fin. Tu te reposeras et tu te lèveras pour ton héritage à la fin des jours. » Mon Seigneur, quelle sera la fin de ces choses. Question qui vient légitimement sur la langue et à l'esprit lorsque nous nous arrêtons sur ces choses que le prophète Daniel a écrites et qui nous ont été révélées par le Saint-Esprit. Et cette question qui était celle de Daniel et peut-être aussi la question qui nous anime à la fin de cette session. Et la réponse de l'ange qui parle à Daniel est une réponse parfaitement évasive. Va, Daniel. Et la réponse, elle n'est pas donnée, si ce n'est par un signe, quand la force du peuple saint sera entièrement épuisé. Cette expression a été bien sûr commentée par les sages d'Israël et ils ont dit ceci. Cette réalité, c'est l'exil, le dernier exil auquel Israël sera soumis. Cet exil sera un exil particulier. On l'appelle dans la tradition juive, l'exil d'Édom, parce qu'il aura été initié par Édom Rome. Et cet exil, il sera différent de tous les autres exils qui l'ont précédé. D'abord, par sa longueur. Jamais un exil n'aura duré aussi longtemps dans l'histoire d'Israël. Bien sûr, il était impossible de lui donner une durée, mais on savait d'avance que ce serait un exil qui serait long. Et deuxièmement, il aurait quelque chose de très spécial, cet exil, très particulier. C'est que ce serait un exil qui intéresserait toutes les nations. Israël a subi deux autres exils dans son histoire, selon la loi des cycles prophétiques que nous avons évoqués ce matin. Le premier de ces exils, ça a été l'exil en Égypte. lorsque le peuple d'Israël a été opprimé par les Égyptiens, et il est resté en Égypte pendant 400 ans, ce qui est un temps considérable, mais qui est en tout cas moins long que l'exil qui est en train de s'achever. Et bien qu'il était aussi un exil qui ait duré longtemps, cet exil, évidemment, ne concernait pas toutes les nations. Il était limité à l'Égypte. Et c'est la raison pour laquelle on l'appelle l'exil égyptien. Le deuxième exil, c'est l'exil du peuple d'Israël à Babylone que notre prophète Daniel a vécu. Et cet exil, il a été beaucoup plus court, quelques dizaines d'années, et il a aussi été limité géographiquement. Il s'est borné à la Babylonie, un peu à l'Égypte, puisque une partie du peuple qui était restée dans le pays d'Israël après la chute de Jérusalem est descendue en Égypte, vous vous en souvenez, en y entraînant entre autres Jérémie. On sait aussi qu'il y a eu quelques dispersés dans les pays voisins, tels Chypre par exemple, ou aussi quelques régions de Transjordanie. Mais on est loin d'un exil dans toutes les nations. Or, seul le quatrième exil répondait à ce critère, toutes les nations. Et cet exil ne peut être que ce troisième exil, cet exil d'Édom, cet exil qui a eu pour origine Rome, qui a détruit Jérusalem et dispersé les Juifs dans le monde entier. Et les Juifs ont fait aujourd'hui pratiquement le tour du monde. On trouve des Juifs pratiquement dans tous les pays du monde. Et les sages ont dit, comme entend ici ce texte de Daniel, cet exil sera le dernier. Il n'y en aura plus d'autre. C'est à la fin de cet exil que viendra la rédemption. Parce que lorsque le peuple d'Israël, à la fin de ce très long exil, qui aura dépassé dans sa durée tous les exils qui l'ont précédé, il reviendra, comme le dit ici le prophète, comme un peuple brisé. Un peuple dont la force et essentiellement la puissance spirituelle aura été brisée. Et c'est une des raisons pour lesquelles, a dit un des plus grands sages d'Israël, qu'on appelle le Rambam, Rami Moshe ben Maimon, il a dit, lorsque le peuple d'Israël reviendra dans son pays au temps de la fin, la majorité du peuple aura même oublié la Torah. Il aura rejeté la Torah. Il sera dans un état d'apostasie, prophétisé ici par le prophète Daniel. Pourquoi ? Parce que les nations auront brisé sa force spirituelle. Cette idée, nous la retrouvons aussi dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 37. Une prophétie qui est très très connue dans les milieux chrétiens et qui a souvent été recyclée, si j'ose dire, dans le cadre de la théologie de la substitution. Cette prophétie, c'est la prophétie des ossements desséchés d'Ézéchiel. Et on a voulu voir, au travers de cette prophétie, quelque chose qui s'appliquait à l'Église et qui annonçait des bénédictions pour l'Église dans les temps de la fin, quand bien même elle aurait été persécutée, elle aurait traversé des moments difficiles. Je ne prétends pas, bien sûr, que dans un cadre d'une prédication, on ne puisse pas utiliser ce texte dans ce sens. Mais en tout cas, pas sans avoir rendu cette prophétie à son légitime propriétaire. Et le prophète dit ouvertement, ou plutôt l'ange dit au prophète, « Ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. » L'ange ne dit pas « ses eaux, c'est l'Église », il dit « ses eaux, c'est toute la maison d'Israël ». Ils disent « notre espérance est morte, nous sommes perdus, un peuple brisé, un peuple qui a perdu jusqu'à l'espérance qui l'a animé jusqu'à ce temps. Un peuple qui est dans le désespoir, qui est arrivé au bout de lui-même. Et le Seigneur dit, encourage ces ossements desséchés. Ces gens qui disent, nous sommes perdus. Parce que voilà, moi l'Éternel, je vais ouvrir vos tombes, je vais vous faire sortir de vos tombes et je vais vous ramener dans le pays d'Israël. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Et cette résurrection des ossements desséchés, cette résurrection que nous sommes en train de vivre au travers des événements qui ont conduit à la résurrection de l'État d'Israël, selon ce qui est écrit dans ce chapitre 37 du livre du prophète Ézéchiel, elle se produit en trois temps, trois étapes. Première étape, ces ossements desséchés qui sont dispersés dans le monde entier, ce qui prouve bien qu'il ne peut pas s'agir de l'exil de Babylone comme le prétendent certains exégètes. Pour la raison que nous avons dite, parce que l'exil de Babylone était limité géographiquement. Et ces ossements desséchés se rassemblent des quatre extrémités de la terre, des quatre vents, et ils reconstituent dans un premier temps des squelettes. Ça, c'est le rassemblement des exilés auquel nous assistons ces temps, où des représentants de plus de 170 nations sont rassemblés sur la terre d'Israël. Tous des Juifs qui viennent de plus de 170 nations. Et sur ces squelettes, il va y avoir la chair, les muscles, les viscères et enfin la peau qui va se reconstituer. C'est la deuxième étape. Mais bien que ainsi reconstitués, ces ossements, ces êtres en quelque sorte, sont à l'état de cadavres. Des cadavres qui ont une très bonne mine, c'est sûr, mais des cadavres quand même. Et nous pourrions dire que c'est le stade auquel nous sommes arrivés aujourd'hui, dans ce processus de la résurrection d'Israël. Les ossements desséchés sont en train de se rassembler et les institutions de l'État, c'est-à-dire la chair, les muscles, la peau, sont aussi en train de se reconstituer. Mais il manque en eux l'esprit. Et le Seigneur parle au prophète en lui disant, « Prophétise, fils de l'homme, et parle à l'esprit, et dit, « Esprit, viens des quatre vents, souffle, alors on traduit improprement sur ces morts, et qu'ils revivent. » En fait, le texte hébreu nous dit, « Sur ces massacrés, sur ces assassinés. » La force du peuple saint doit être entièrement brisée. Et ce peuple qui revient et qui a ressuscité cet État d'Israël contre toute attente, contre toutes les lois humaines, contre toutes les lois de la prospective, est néanmoins un peuple qui est massacré dans son âme, qui est massacré dans son esprit. La force du peuple saint est entièrement brisée. Et à l'heure actuelle, où tous ses ennemis se liguent contre lui, il y a au sein du peuple d'Israël une profonde angoisse et un profond désespoir. De temps en temps, on peut voir sur les pare-chocs arrière des voitures des inscriptions, des calicots que les Israéliens aiment coller, soit sur les lunettes arrière des voitures, soit sur les pare-chocs arrière. C'est ainsi qu'ils expriment leurs opinions politiques. Si bien que quand vous êtes arrêté à un feu rouge et que vous êtes, il y a une voiture devant vous, vous avez le temps de savoir quelles sont les opinions politiques de l'occupant de la voiture qui est devant vous. Il y a une inscription qui apparaît de plus en plus, qui est tirée d'une ancienne prière qui fait allusion au temps de la fin et qui dit ceci, dans ce temps-là, nous n'aurons plus personne vers qui nous tourner si ce n'est vers notre Père qui est dans les cieux. Et je pense que c'est précisément à ce stade que Dieu veut amener le peuple d'Israël. Un stade où toute force humaine ayant été entièrement brisée, il n'est d'autre solution que de compter sur la force qui vient d'en haut. qu'il n'ait d'autre solution que de crier à ce Père céleste pour qu'il envoie ce Messie, pour qu'il envoie cette délivrance, et qu'ainsi il puisse retrouver sa vie, l'Esprit de Dieu puisse venir souffler sur ces massacrés et qu'il revive pour être cette très grande armée que le prophète avait vue dans sa vision. Donc, quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Je parlais, il y a quelques années de cela, avec des rabbins, de cette prophétie d'Ézéchiel 37. Et ce rabbin me disait, à peu près ce que je viens de vous dire, nous sommes à la veille de cette troisième étape de la résurrection des ossements desséchés. Et maintenant, à tout moment, nous pouvons nous attendre à ce que souffle cet esprit dont avait parlé le prophète pour que ces massacrés revivent. Je lui ai demandé, pour toi, c'est quoi l'esprit? Ça va être quoi cet esprit? Il m'a dit, ça je ne le sais pas. Mais une chose dont je suis sûr, c'est que cet esprit va bientôt souffler sur notre peuple. Alors moi, je sais ce que sera cet esprit. C'est cet esprit dont a parlé le prophète Zacharie dans le chapitre 12, quand il dit, dans ce temps-là, je répandrai un esprit de grâce et de supplication sur Israël. Ils tourneront vers moi, les regards vers moi, vers celui qu'ils ont percé, et ils le pleureront comme on pleure sur un fils unique. Jésus disait à ses concitoyens, quand il allait prendre congé d'eux, « Vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Et cet esprit, cette Pentecôte, qui va bientôt souffler sur le peuple d'Israël, et qui commence déjà, ça et là, à se manifester, eh bien, est justement cette effusion de l'esprit, qui va faire que le peuple d'Israël va dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Dans les milieux charismatiques, depuis 50 ans que je les fréquente, j'entends constamment dire « Un grand réveil vient ». Un réveil qui va bouleverser le monde entier. Ça fait 50 ans que je l'attends. Et en fait de réveil, c'est plutôt l'inverse qui se produit. C'est plutôt l'apostasie. Et quand je lis l'Écriture, alors je ne vois pas tellement ce grand réveil. Je vois plutôt l'apostasie dont nous avons parlé. Mais il est vrai, toutefois, qu'un grand réveil vient. Mais peut-être pas exactement comme nous le pensons. D'aucuns disent, ce grand réveil, il vient sur la France. Comme si la France était une sorte de peuple élu, comme si la France était une sorte de nouvel Israël. Qu'est-ce que la France aux yeux de Dieu? Un pays absolument comme les autres. Mais il est vrai qu'il y a un texte qui peut nous permettre d'attendre ce grand réveil. C'est le texte de Joël que nous connaissons bien, ce texte que l'apôtre Pierre a cité le jour de la Pentecôte. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des visions et vos jeunes gens auront des songes. Alors, on a souvent pris ce texte pour parler de ce réveil charismatique, de ce réveil de l'esprit qui est né au début du siècle dernier. Et je pense que l'on a eu parfaitement raison de le faire. Mais néanmoins, même si ce qui s'est produit était partiellement l'accomplissement de cette prophétie. Il faut remettre cette prophétie dans son contexte. Et dans son contexte, cette prophétie, elle concerne le peuple d'Israël. Et si elle a déjà eu, selon la loi des cycles prophétiques que nous avons vus ce matin, un accomplissement partiel en ce qui concerne l'Église par rapport à ce mouvement charismatique, il y a encore un accomplissement beaucoup plus grand à venir lorsque, au temps de la fin, l'Esprit Saint sera répandu sur Israël. Et si un grand réveil doit venir, et si nous devons attendre un grand réveil, c'est le grand réveil qui va secouer Israël, qui va le bouleverser de fond en comble, qui va l'amener à se tourner vers celui qui a été percé, Jésus le Messie, qui va l'amener à pleurer sur lui comme on pleure sur un fils unique, et qui va l'amener à dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », parce que dans la situation dramatique dans laquelle il sera et dans laquelle il entre, sa force étant brisée, il n'aura d'autre solution que de se tourner vers lui. Et alors, nous dit l'apôtre Paul, les conséquences de ce réveil, qui fera que tout le peuple d'Israël vivant à cette époque se tournera vers Jésus, alors ce sera, nous dit l'apôtre, pour le monde entier, comme une véritable résurrection d'entre les morts. Quelle sera la fin de ces choses, mon Seigneur ? Et maintenant, je voudrais m'arrêter sur le dernier verset de ce chapitre 12 du livre du prophète Daniel, et par conséquent sur le livre lui-même. Après avoir rappelé ce que le prophète nous dit, beaucoup dans ces temps de la fin seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, mais aucun des méchants ne comprendra. Seuls ceux qui auront eu de l'intelligence comprendront. Et il ajoute ceci, heureux celui qui attendra 1290 jours et qui arrivera à 1335 jours. Comme je vous l'ai dit le premier jour, ce sont là des chiffres mystérieux, des chiffres dans l'interprétation desquels je ne me hasarderai pas. Mais je voudrais retenir deux choses dans ce verset. Heureux celui qui attendra, car il arrivera. On pourrait comprendre, d'une manière ou d'une autre, il arrivera au but. Je vous invite à comparer ces paroles avec les paroles de Jésus telles que nous les trouvons dans le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu, où il nous est dit ceci, verset 12, Matthieu 24, verset 12, « En raison du progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » D'une certaine manière, Jésus cite ici cette dernière parole de Daniel. « Celui qui attendra, on peut aussi comprendre celui qui persévérera. Celui qui persévérera, celui qui attendra jusqu'à la fin, atteindra le but qui sera justement le salut. » Et là, je voudrais m'arrêter sur un thème qu'on trouve chez les prophètes et que l'on trouve particulièrement chez Jésus, notamment dans les paraboles, le thème de l'épreuve de l'attente. Quelle sera, mon Seigneur, l'issue de ces choses ? Les contemporains de Jésus étaient persuadés que la venue du royaume de Dieu était quelque chose d'imminent. Les disciples même le pensaient. Et lorsque Jésus, dans le livre des Actes, nous l'avons vu, leur fait la promesse du Saint-Esprit, le jour de l'Ascension, les disciples lui demandent, « Mais, Rabbi, est-ce dans ce jour-là, le jour où nous allons recevoir le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, dans 10 jours, est-ce dans 10 jours que tu vas rétablir le royaume d'Israël ?» Et c'est la même question que celle que Daniel a posée à l'ange. Quelle sera l'issue de ces choses ? Et Jésus répond un peu comme l'ange. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez cette puissance dont je viens de vous parler, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Être témoin jusqu'aux extrémités de la terre pour les disciples, c'est évidemment quelque chose qui ne va pas se faire en 15 jours. C'est une autre manière de dire que le royaume de Dieu, le rétablissement du royaume d'Israël ne va pas se faire dans les 10 jours qui viennent, comme les disciples avaient d'abord pensé. Mais il va y avoir un très long temps. Il va falloir, comme Jésus le disait aussi dans ce texte de Matthieu que nous avons lu tout à l'heure, il va falloir que cette bonne nouvelle du royaume soit annoncée à toutes les nations pour que seulement puisse venir la fin. Ça veut dire qu'il va y avoir un très long temps. Ce long temps qui va coïncider, nous l'avons vu, avec l'exil d'Israël. Pendant tout ce temps où l'Évangile sera annoncé aux nations, le peuple d'Israël sera dans son exil jusqu'à ce que sa force morale et spirituelle soit entièrement brisée. Et par conséquent, la fin va se faire attendre. Il va y avoir un long temps qui va se produire. Et nous dit Jésus, cette longue attente, alors que déjà les semences du royaume ont été jeté à terre, comme nous l'avons vu hier, cette longue attente va être une terrible épreuve, la plus terrible épreuve pour son peuple, pour ses disciples et par conséquent pour l'Église. L'époux va tarder. Voilà ce que Jésus annonce à ses disciples. Et il va y avoir un défi qui va être jeté à chacun de ses disciples. Est-ce que son Église, est-ce que ces enfants vont être capables de supporter cette longue attente? Seul celui qui attendra jusqu'à la fin sera sauvé. Et la chose la plus difficile, l'épreuve la plus difficile à surmonter dans ces temps-là, ce sera justement cette épreuve de l'attente, d'une attente où apparemment rien ne va se produire. Et où, comme l'avons vu, il semblera au contraire que le diable ait repris, si j'ose dire, toutes ses billes. Et là, je voudrais évoquer plusieurs paraboles qui reprennent ce thème de l'épreuve de l'attente. Ceci en relation avec la deuxième étape de la venue du royaume dont nous avons parlé hier. Hier soir, nous sommes arrêtés longuement sur la première partie de la venue du royaume, le temps des semailles. Et cette fois-ci, nous allons nous arrêter un peu plus longuement sur cette deuxième partie, les moissons, parce que à la fin du livre de Daniel, c'est de ces moissons-là qu'il est question. C'est ces moissons-là qu'il va falloir attendre sans se lasser et sans se laisser gagner par le découragement. Ces paraboles de la vigilance, ces paraboles de l'épreuve de l'attente, nous les trouvons à la suite justement de ces enseignements de Jésus sur son retour. Je voudrais d'abord prendre un texte dans le chapitre 17 de l'Évangile de Luc, où, au verset 20, Jésus se trouve confronté à une question des pharisiens, semblable à celle que Daniel pose à l'ange. « Mon Seigneur, quelle sera la fin de ces choses ?» Verset 20 du chapitre 17 de Luc, interrogé par les pharisiens pour savoir quand viendrait le royaume de Dieu. C'est aussi la même question des disciples. Rabbi, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Mon Seigneur, quelle sera la fin de ces choses? Et Jésus commence par parler de la première partie de la venue de ce royaume en disant, le temps des semailles, il ne vient pas de manière à frapper les regards. Il ne vient pas de telle manière qu'on puisse l'observer. On ne dira pas, voici, il est ici ou il est là, car le royaume de Dieu est non pas au-dedans de vous, comme on traduit ici, mais au milieu de vous, c'est-à-dire au milieu de vous, en ma personne. La personne de Jésus, la personne du roi au milieu de son peuple, fait que ce royaume est déjà présent au milieu d'eux, mais malheureusement pour eux, ils ne sont pas capables de le discerner. Il dit à ses disciples eux-mêmes, « Des jours viendront où vous désirez voir un des jours du Fils de l'homme et où vous ne le verrez pas. On vous dira, il est ici, ou il est là, n'y allez pas, n'y courez pas. » En effet, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva au jour de Noé arrivera au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, étaient donnés en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et le déluge vint et les fit tous périr. Il en sera comme du temps de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même au jour du Fils de l'homme. En ce jour-là, que celui qui sera sur la terrasse, qui aura des affaires dans la maison, ne descende pas pour les prendre. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à préserver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, dans cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. De deux femmes qui voudront ensemble, l'une sera prise, l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans les champs, un sera pris, l'autre laissé. Et les disciples lui dirent, où sera Seigneur? Il répondit, là où est le corps, là s'assembleront les vautours. Ces textes sont intéressants à plusieurs points de vue. D'abord, Jésus compare la génération dernière dont nous avons parlé aux deux générations les plus pécheresses de toute l'histoire humaine, la génération de Noé et la génération de Lot. Deuxième remarque, c'est que Jésus ne stigmatise pas tant les péchés de cette génération, péchés qui sont bien connus, que leur insouciance. Ce qu'il veut mettre en exergue, et ce contre quoi il veut mettre en garde ses auditeurs, c'est sur le fait que les gens de l'époque de Noé, comme ceux de Lot, avaient été avertis de ce qui allait venir, du jugement qui allait venir. On leur avait aussi indiqué le moyen d'y échapper. Et ils n'ont pas cru à ce jugement. Dieu a patienté par rapport à ces deux générations pour l'exécution de ces jugements. Et les contemporains de Noé, comme les contemporains de Lot, se sont totalement mépris sur ce temps de grâce que Dieu leur donnait. Ils n'ont pas cru à ce qui leur avait été annoncé. Et au lieu de mettre le temps qui était à leur disposition à profit pour échapper à ce qui allait arriver, ils ont continué à vivre comme si de rien n'était, mangeant, buvant, se mariant et mariant leurs enfants. Toutes choses qui ne sont pas mauvaises en soi, c'est la vie, et il faut que ces choses se fassent. Mais ces actes de la vie quotidienne étaient tout leur univers, toutes leurs préoccupations. Et ils n'étaient plus capables, tant leur cœur était appesanti, comme dira Jésus, par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, que ce jour les a surpris parce qu'ils ont été incapables de mettre de côté le souci premier qui était le leur des choses d'ici-bas pour lever les yeux un peu plus haut et lever les yeux vers le ciel. Et Jésus dit, la dernière génération risque de se trouver dans la même situation. Après avoir été averti de ces jugements qui venaient et du moyen que le Seigneur avait prévu pour y échapper, parce que justement l'époux aura tardé, parce que ce temps aura tardé, ils auront tendance à dire, eh bien, tout ça, ça n'est pas sérieux. Vous vous souvenez que lorsque les anges étaient venus à Sodome et qu'ils avaient averti Lot de ce qui allait se produire en lui disant, eh bien, qu'est-ce que tu as ici, tes filles, tes gendres, vite, sortez de ce lieu, parce que l'Éternel va détruire la ville. Et quand Lot a averti ses gendres, il leur a communiqué ce message de l'ange, et nous a dit que ses gendres ont cru qu'il plaisantait, et ne l'ont pas pris au sérieux. Et le drame de l'Église de la fin, le drame de l'humanité de la fin, c'est qu'elle aura oublié que le Seigneur vient. Et il viendra au moment où quasiment tout le monde aura oublié sa venue. Il viendra à l'improviste, nous est-il dit. Il viendra comme un filet sur ceux qui habitent les habitants de la terre. Et le drame, c'est que cette génération sera dans la même situation que celle de la génération de Noé et de Lot, mangeant, buvant, se mariant et mariant ses enfants, plantant, achetant, c'est-à-dire occupé aux choses de cette terre, aux choses de ce monde. Alors encore une fois, Jésus ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger ni boire, qu'il ne faut pas se marier ni marier ses enfants, qu'il ne faut pas acheter, planter, etc. Paul reprend un peu ce thème dans une de ses épîtres. Il dit, ce que je vous dis, frères, maintenant, c'est ceci, le temps est court. Le temps est court, c'est une autre manière de dire, Jésus vient bientôt. Alors, que ceux qui pleurent soient comme ne pleurant pas. Que ceux qui se réjouissent soient comme ne se réjouissant pas. Que ceux qui usent du monde soient comme n'en usant pas parce que la figure de ce monde passe. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que nous sommes bien obligés de manger et de boire. Que nous sommes bien obligés de nous marier et de marier nos enfants si nous voulons que la race humaine se perpétue. Que nous sommes bien obligés parfois de pleurer et que nous sommes bien obligés de nous réjouir. Mais quand nous sommes obligés de nous livrer à ces activités-là, que ce soit relativisé. Parce que nous dit l'apôtre Paul, le temps est court et le Seigneur est à la porte. Et par conséquent, que ces choses-là n'envahissent pas notre cœur, au point que ce soit tout notre horizon et que l'horizon qui est le nôtre soit uniquement borné aux choses de cette terre, à ce que Jésus appelle les soucis de la vie. Je pourrais continuer longtemps sur ce thème, mais je voudrais m'arrêter un peu plus longuement sur la parabole suivante, qui est la parabole du juge inique. Je ne vais pas vous la relire, cette parabole, vous la connaissez, je la résume simplement, mais il est à noter que malgré la séparation entre le verset 17 et le verset 18, et parfois un sous-titre que nous trouvons dans la plupart des Bibles, exhortation à la prière, à la persévérance dans la prière. C'est souvent comme ça que l'on considère la parabole du juge inique. Cette parabole, elle fait suite, nous l'avons vu, à ces avertissements de Jésus sur son retour et à cette question qui lui avait été posée, quand viendra le Fils de l'homme? Quand viendra le royaume de Dieu? Il faut donc la lire comme un tout avec ce qui précède. Comme toutes les paraboles, la parabole du juge inique est en relation avec la venue du royaume de Dieu. Et non pas dans un premier temps avec la persévérance dans la prière comme on la considère généralement. Encore une fois, ce qui ne veut pas dire que de cette parabole-là, on ne peut pas tirer une leçon et une exhortation à la prière. Je ne dis pas cela. Je dis simplement que son but premier n'est pas celui-là. La preuve, c'est la conclusion. Je la lis simplement. Entendez ce que dit le juge inique, verset 6. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Tarderait-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est par ces mots que Jésus conclut cette parabole. Et l'on peut se demander, quelle relation y a-t-il entre cette parabole du juge inique et la venue du Seigneur au dernier jour, et la question qu'il pose, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? La réponse, elle est simple. Jésus pose la question de savoir, quand le Fils de l'homme viendra à la fin, y trouvera-t-il encore des hommes et des femmes qui auront foi dans son retour, qui auront foi dans la venue du royaume de Dieu? Pourquoi? Parce que justement, il va se produire ce qui est décrit dans cette parabole. Cette pauvre veuve, elle est l'image du peuple de Dieu. Elle a un problème avec un adversaire quelconque et elle présente sa cause à un juge qui refuse systématiquement de lui rendre justice. Or, devant cette situation, cette femme pourrait se décourager et dire « ça, c'est vraiment un juge sans foi ni loi, je n'en tirerai rien, ben tant pis, je vais m'accommoder de cette situation-là ». Mais cette veuve ne se décourage pas, elle insiste, jusqu'à ce que finalement le juge craque. Il en a assez, il dit « j'en ai assez, qu'elle vienne me rompre les oreilles, bien que je ne craigne ni Dieu ni homme ». Pour avoir la paix, je vais lui donner tout ce qu'elle veut. Et Jésus dit, les élus du Seigneur, pendant ce temps de l'attente dont parle le prophète Daniel, sont dans la situation de cette veuve. Ils seront oppressés par les forces de l'adversaire, parce que nous l'avons vu hier, l'adversaire sait qu'il a peu de temps et il mobilise toutes ses forces. Et l'adversaire va multiplier les obstacles pour empêcher le royaume de Dieu de se manifester. Et les élus seront persécutés, les élus seront dans des difficultés, les élus seront tentés, ils seront éprouvés de mille manières. Et ils crieront à Dieu et ils auront l'impression que Dieu ne leur répond pas. Ils diront « Seigneur, viens dans ton règne » parce que nous avons vu la venue du règne de Dieu sera la justification des élus et le jugement de ceux qui les persécutent. Et la venue du Seigneur au dernier jour sera un jugement. Les élus prient pour que ce jugement vienne. Non pas parce qu'ils ont envie de se venger de leurs ennemis, mais parce qu'encore une fois, le jugement des méchants sera leur justification à eux. Et ce jugement, il tarde à venir. Et on pourra avoir l'impression, pendant ce temps de l'épreuve, de l'attente, que Dieu est semblable à un juge injuste. C'est finalement ce qu'a été, on en a déjà parlé, l'attitude d'Asaph dans le psaume 73. Je voyais le bonheur des méchants. Dieu n'intervient pas. Pourquoi le Seigneur ne délivre-t-il pas les justes qui crient à lui nuit et jour? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas délivré Job de ses épreuves? Pourquoi Dieu ne délivre-t-il pas le psalmiste de ses ennemis quand il crie à lui? Et on aura justement l'impression que Dieu est un Dieu injuste. Ou comme le dit une autre parabole, cette parabole des talents, le mauvais serviteur qui dit « Je savais que tu es un maître dur ». Et on aura l'impression que Dieu est ce maître dur. Et on aura la tentation de dire « Eh bien, puisqu'il en est ainsi comme Asaph, je vais faire comme les autres ». Je vais manger, je vais boire et je vais profiter de la vie. Nous avons une autre parabole qui nous dit la même chose, c'est la parabole des bons et des méchants serviteurs. Je vous ai dit ceci, quel est ce serviteur prudent et avisé qui attend que son maître revienne des noces? Heureux ce serviteur, si quand son maître arrivera, il le trouve à l'œuvre. Qu'il vienne au début ou à la fin de la nuit, ou au milieu de la nuit, ou au milieu du jour, heureux ce serviteur que son maître trouvera à l'œuvre. Mais si, au lieu d'être ce serviteur prudent et avisé, ce serviteur se met à dire « Mon maître tarde à venir !» Il se met à manger, à boire et à se quereller avec ses compagnons, le maître de ce serviteur viendra au moment où il ne s'y attendra pas, il le mettra en pièces et il donnera sa part avec les infidèles, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Et c'est la même pensée que cette parabole du juge unique. Devant ce retard de cette venue du royaume, devant ce retard de ce temps où Dieu rendra justice à ses élus, ces derniers auront la tentation de dire « Mon maître, puisque mon maître tarde à venir, eh bien, profitons de la vie, mangeons et buvons, prenons du bon temps. » Et la question du royaume de Dieu, on verra ça plus tard, de toute façon on a le temps d'y penser, c'est pas pour demain. Il y a déjà un certain nombre d'années de cela, alors que je parlais de ces choses avec un pasteur évangélique, il me dit, tu sais, il m'a interrompu assez brutalement, il m'a dit, tu sais, ça fait 35 ans que j'entends dire que Jésus revient. Alors tu sais, je me dis maintenant, eh bien ça va encore durer 35 000 ans. Je dis non, ça ne durera pas 35 000 ans. On ne peut dire, on ne peut pas donner de durée, mais une chose est sûre, ça ne durera plus des siècles. C'est imminent. Mais voyez-vous, c'est exactement cette question que Jésus pose à la fin de cette parabole du juge unique. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi qu'il va revenir pour rendre justice à ses élus en jugeant les méchants? Qui attendra encore? Qui sera dans cette attente, dans ce temps-là? Et là, nous retrouvons dans ces paraboles le même clivage que celui que nous trouvons à la fin du livre du prophète Daniel, entre les sages et les méchants. Les sages comprendront, mais aucun des méchants ne comprendra. Les méchants, c'est justement le méchant serviteur de la parabole. Ce serviteur qui raisonne en lui-même en disant « Puisque mon maître tarde à venir, eh ben on va en profiter en attendant. » De toute façon, c'est pas pour demain. Et il viendra justement au moment où ce serviteur ne s'y attendra pas. Ce serviteur est non seulement méchant, mais comme le dit Jésus, il est aussi paresseux parce qu'il néglige les affaires de son maître. Et enfin, il est insensé. Il est méchant et insensé. Et paresseux. Par contre, il est question ici des sages. Et c'est l'expression que Jésus emploie dans la parabole des bons et des mauvais serviteurs. Quel est donc ce serviteur prudent et avisé? Oh, c'est des termes qui traduisent des mots hébreux, ou plutôt araméens assez spéciaux. Pikrine, on dit en hébreu. Sages, qui comprennent, et qui sont capables d'adapter leur conduite en fonction de ce qu'ils ont compris. C'est exactement la traduction de ce terme que nous trouvons dans le livre du prophète Daniel, les sages comprendront. Et ces sages, parce qu'ils auront compris que le Seigneur ne tarde pas, qu'il n'est pas ce juge inique, qu'il n'est pas ce juge méchant dont nous parle la parabole, c'est simplement l'apparence. Ce sont les insensés qui raisonnent ainsi, qui disent « c'est un maître dur » et c'est un maître qui se comporte comme un juge inique. Et même si c'était ainsi, dit Jésus, par son insistance même, cette veuve a fini par obtenir gain de cause. Alors il faut persévérer. Il faut continuer à prier. Que ton règne vienne, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et vous n'aurez même pas besoin d'aller jusqu'où est allée cette pauvre veuve, parce que loin d'être ce juge unique, Dieu est un juste juge. Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Oui, quand le temps sera venu, il leur fera promptement justice. Et c'est la parole de l'Apocalypse. Voici, je viens non pas bientôt, mais je viens vite. Il viendra vite. Et alors, il manifestera sa justice. Je voudrais terminer par une autre parabole très connue, que l'on trouve dans Matthieu 25, la parabole des 10 vierges. Je ne vais pas m'arrêter sur cette parabole en détail, simplement pour insister aussi sur le fait que le thème essentiel de cette parabole est aussi l'épreuve de l'attente. D'ailleurs, cette parabole fait suite dans l'évangile de Matthieu avec cette parole du bon et du mauvais serviteur que j'ai évoquée il y a un instant. La parabole des vierges est très connue. Le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui allèrent à la rencontre de l'époux. Je ne vais pas m'étendre sur un thème très récurrent dans les paraboles où la venue du royaume de Dieu est comparée à un mariage. J'en parlerai peut-être un peu plus demain matin. Ce thème du mariage, il est dans de nombreuses paraboles, la parabole du grand festin, un roi qui fait des noces pour son fils, etc. L'idée du Messie comme un époux, est quelque chose qui se trouve dans la tradition d'Israël à partir de l'exégèse que les rabbins ont faite du Cantique des Cantiques. Et dès un petit siècle avant l'époque de Jésus, on a commencé à interpréter le Cantique des Cantiques comme une parabole sur le mariage entre le Messie, l'époux, et Israël, l'épouse, qui aurait lieu au temps de la fin lors de la venue du Messie. Et c'est la raison pour laquelle, dans les paraboles des sages, le thème de ce mariage est le thème de très nombreuses paraboles. C'est aussi le thème, nous l'avons vu, d'un certain nombre de paraboles de Jésus, dont cette parabole des vierges. Maintenant, qui sont ces vierges? Ça aussi, il nous faut nous reporter au Cantique des Cantiques. Dans le Cantique des Cantiques, parfois l'épouse s'adresse à ce qu'elle appelle les filles de Jérusalem. « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. » Et qui sont ces filles de Jérusalem? Simplement, on appellerait ça aujourd'hui, les demoiselles d'honneur de l'épouse. Le cœur des jeunes filles, amies de l'épouse, qui vont se réjouir avec elle à l'occasion de son mariage. Et les 10 vierges dont il est question ici ne sont rien d'autre que ces filles de Jérusalem dont il est question dans le Cantique des Cantiques. Et voilà, ces jeunes filles, elles se sont préparées pour ce mariage. On va quand même pas dans un mariage sans s'être préparé. On peut imaginer qu'elles ont mis leurs plus beaux atours. Et puis, évidemment, elles ont pris des lampes, elles ont pris, pour celles qui sont prudentes, et là nous retrouvons cette même division entre les sages et les folles, les avisées, les prudentes et les insensées. C'est la même division que celle que nous trouvons à la fin de notre livre de Daniel. Les sages comprendront, mais aucun des méchants qui sont en même temps des insensés ne comprendra. Et donc celles qui sont sages ont pris de l'huile dans leur lampe. Parce qu'elles se sont dit, on ne sait jamais. Si par hasard l'époux avait du retard, il vaut mieux prendre des précautions. Les autres n'ont pas fait cette remarque, n'ont pas fait ce calcul, et se sont dit, oh ben ça va se faire tout de suite. Et la Bible nous dit, Jésus nous dit, comme l'époux tardait. Thème à nouveau que nous avons rencontré dans la parabole du juge inique, que nous avons rencontré dans la parabole des mauvais et des bons serviteurs, que nous retrouvons également dans la parabole des talents, l'époux tardait. Résultat, toutes les vierges s'endorment. Alors, dans la Bible, souvent, dans d'autres contextes, l'assoupissement est quelque chose de négatif. Et Jésus met en garde contre ce qu'il appelle l'assoupissement spirituel par rapport à son retour. Ici, il s'agit d'autre chose. C'est un assoupissement qui est normal, qui est légitime, parce que l'époux tardait. Et par conséquent, toutes ces vierges en viennent à se demander, mais quand est-ce que cet événement va avoir lieu? Est-ce qu'il va finir par venir un jour? Les sages n'en doutent pas. On peut penser que les folles commencent à se le demander. Et finalement, l'époux arrive, oui. Au moment où elles dorment toutes, ça veut dire au moment où ni les sages ni les folles ne s'y attendaient. Et ça, c'est aussi un détail que Jésus veut nous prenions en compte. On lit ça aussi dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens. La venue du Seigneur surprendra tout le monde. Il viendra au moment où absolument personne ne s'y attendra. C'est ça que veut dire cette parabole. Elles s'endormirent toutes. Et au milieu de la nuit, au moment où aucune de ces vierges ne s'y attendait, on entend le cri, voici l'époux aller à sa rencontre. C'est le réveil en sursaut. Et ce qui fait la différence entre les sages et les folles, c'est que les unes ont prévu ce retard s'y sont préparés et ont pris leur disposition pour, et bien qu'elles soient surprises, elles ne sont pas prises au dépourvu. Et elles ont cette réserve d'huile qui leur permet d'allumer leur lampe et de pénétrer dans la salle des noces. Par contre, les folles, elles sont aussi surprises que les sages, mais elles sont prises au dépourvu. Elles sont dépouillées de cette huile. En hâte, elles vont essayer de s'en procurer, mais il est trop tard. Quand elles reviennent, la porte est fermée et elles vont rester dehors. Un sera pris, l'autre laissé. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans l'évangile de Luc au chapitre 17. Ce thème des femmes folles et sages, c'est un thème que nous trouvons aussi dans le livre des Proverbes. Et le livre des Proverbes en hébreu se dit machal. Ça veut dire parabole. C'est le même mot que les paraboles de Jésus. Le livre des Proverbes est une histoire de deux femmes. La femme insensée, la prostituée, et la femme vertueuse du chapitre 31. Fou et sage. Et comme les paraboles, le livre des Proverbes met toujours en opposition deux conduites. La conduite sage et la conduite insensée. Les paraboles reprennent le même thème. Face à la venue du royaume, il y a deux attitudes possibles, et deux seulement, une attitude sage ou une attitude insensée. L'attitude sage, c'est de se dire que même si le Seigneur tarde, sa promesse s'accomplira. Et puisque nous ne pouvons pas savoir quand cette promesse va s'accomplir, il faut être prêt à tout moment. L'attitude insensée, c'est de se dire, puisque le Seigneur tarde, nous avons donc le temps. Comme disait ce pasteur, ça a tardé 35 ans de ma vie, donc ça pourra bien encore tarder 35 000 ans. Et par conséquent, on se met à manger, à boire, à vivre uniquement pour ce monde et à oublier la venue du royaume. Et un dernier point, certains me demandent, c'est quoi l'huile ? D'aucuns disent, c'est le Saint-Esprit. Souvent, c'est vrai, l'huile est le symbole du Saint-Esprit. Mais je ne pense pas que ce soit forcément le cas ici, dans ce texte. Jésus ne dit pas ce qu'est l'huile. Et pour que nous comprenions justement à quoi Jésus fait allusion, il nous faut prendre le contexte des paraboles dans lesquelles cette parabole se trouve impliquée. Et notamment la parabole précédente, la parabole justement du bon et du mauvais serviteur. Et de la même manière que cinq des vierges sont folles et cinq sont sages, de la même manière, un serviteur est insensé et un serviteur est sage. Qu'est-ce la différence entre le serviteur avisé, c'est le même mot, pikear en araméen, et puis les vierges sages, pikrine, c'est que le serviteur, il est occupé aux affaires de son maître quand ce dernier arrive. Et l'huile, c'est ça, être occupé aux affaires du Seigneur. Jésus disait, à l'âge de 12 ans à ses parents, « Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. » Heureux ce serviteur que son maître trouvera à l'œuvre quand il viendra. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un mauvais serviteur qui a profité justement des biens que son maître avait mis à sa disposition pour en profiter égoïstement pour lui, alors sa part sera dans les ténèbres du dehors quand la porte aura été fermée comme les vierges qui n'avaient pas d'huile. Dernier point avant une conclusion. On me dit, mais l'épouse dans tout ça, c'est qui? Si les vierges ici sont le peuple de Dieu, des fidèles, les élus, ses disciples, autrement dit l'Église, qui est l'épouse? Peu importe. Dans la parabole des vierges, l'épouse, il n'en est pas question. Parce que voyez-vous, dans une parabole, il ne faut pas vouloir chercher à faire coïncider tous les détails. Une parabole, ça a une intention. ce qu'on appelle une pointe. Et la pointe est celle-là. L'époux tarde. L'époux va tarder. Quand le Seigneur va partir, eh bien, son absence va être longue. Et le danger pour les disciples, ça va être de se lasser dans leur attente. Heureux celui qui attendra, qui persévérera jusqu'à la fin, et qui jusqu'à la fin gardera cette foi, cette espérance du retour de son maître, et vivra en conséquence dans la perspective de cette venue, pour être trouvé à l'œuvre quand il viendra. Ça, c'est la sagesse. Heureux celui qui persévérera, heureux celui qui attendra, car il atteindra le but. Alors, dans d'autres paraboles, il sera question de l'épouse. Ici, il n'en est pas question. Il est question simplement des vierges. Parce que, justement, ce sont celles qui sont dans cette attente. Et voilà, justement, ici, ce que le prophète Daniel avait voulu aussi communiquer à ses lecteurs de la part de l'ange. Ces chiffres mystérieux, 1290, 1335, certainement impliquent aussi ce temps de l'attente, une longue attente. Une attente qui sera l'épreuve la plus difficile à supporter pour le peuple de Dieu. Et c'est pour pouvoir surmonter cette épreuve-là qu'il faut que le peuple de Dieu se nourrisse constamment de cette espérance du retour du Seigneur. Vive dans cette attente, vive dans cette espérance. Les sages d'Israël ont dit, quand un homme meurt et qu'il se présente devant Dieu, Dieu lui pose une première question. Et la première question qu'il lui pose est la suivante, as-tu attendu la venue du Messie et du royaume de Dieu? Et cette question-là, évidemment, c'est pas quelque chose qui est proprement biblique, mais c'est quelque chose qui est dans l'esprit, en tout cas, de ce que Jésus aussi a annoncé. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il cette foi dans son retour en moi, en toi, en chacun d'entre nous? Heureux celui qui attendra. Heureux celui qui persévérera jusqu'à la fin, car il arrivera au but, il arrivera à la vie éternelle, il arrivera à la gloire éternelle. Cet enregistrement vous a été proposé par Trésor Sonore, votre audiothèque. Écoutez et téléchargez gratuitement des milliers d'enregistrements. www.trésorsonore.com